Deuxième partie, chapitre 18, de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Sonia. Introduction à la vie dévote par Saint François de Sales. Deuxième partie, chapitre 18, de la manière de bien recevoir les inspirations. Nous appelons inspiration tous les attraits de la grâce, les bons mouvements du cœur, les reproches de la conscience, les lumières surnaturelles de l'esprit et généralement toutes les bénédictions dont Dieu prévient notre cœur par son amoureuse et paternelle miséricorde, soit pour nous réveiller de notre assoupissement, soit pour nous engager à la pratique des saintes vertus, soit pour exciter en nous son amour. En un mot, pour nous faire chercher ce qui est de nos intérêts éternels. C'est ce que l'époux des cantiques appelle en termes mystérieux rechercher son épouse, frapper à sa porte, lui parler au cœur, la réveiller, l'appeler et la chercher dans son absence, l'inviter à manger de son miel, à venir cueillir des fruits et des fleurs, et à lui parler. Je me sers donc aussi de cette comparaison pour me faire mieux entendre. Trois choses sont nécessaires à la conclusion d'un mariage. Premièrement, il faut le faire proposer à la personne dont on demande le cœur et la foi. Secondement, elle doit en agréer la proposition. Et en troisième lieu, elle y donne son consentement. C'est ainsi que, quand Dieu veut pour sa gloire opérer quelque bien en nous, pour nous et avec nous, il nous le propose par son inspiration. Nous la recevons avec une douce complaisance et nous y consentons. Car comme il y a trois degrés par lesquels on tombe dans le péché, la tentation, la délectation et le consentement, il y en a trois aussi par lesquels on s'élève à la pratique de la vertu. L'inspiration, qui est contraire à la tentation, la complaisance que l'on a pour l'inspiration, et qui est contraire à la délectation de la tentation, et le consentement à l'inspiration, lequel est contraire au consentement que l'on donne à la tentation. Quand l'inspiration durerait tout le temps de notre vie, nous n'en serions pas plus agréables à Dieu, si du moins nous ne la recevions pas avec complaisance. Au contraire, Dieu en serait offensé, comme il le fut des Israélites, que sa grâce, ainsi qu'il le dit, pressa inutilement durant 40 ans de se convertir, et auquel il déclara avec serment que jamais il n'entrerait dans son repos. Cette complaisance que l'on donne aux inspirations avance beaucoup l'œuvre de la gloire de Dieu en nous et nous attire déjà la complaisance de ses yeux. Car bien que cette délectation ne soit pas un véritable consentement, elle en est du moins une disposition fort heureuse. Et si le plaisir que l'on prend à entendre la parole de Dieu, laquelle est comme une inspiration extérieure, est un signe de salut et une disposition agréable à Dieu, cela est encore plus vrai à l'égard de l'inspiration intérieure. C'est aussi cette délectation dont parle l'épouse sacrée quand elle dit « J'ai senti mon âme se fondre de joie en elle-même, quand mon bien-aimé m'a parlé. » Mais enfin, c'est le consentement dans tout est point. Car si ayant été inspirés et ayant reçu l'inspiration avec complaisance, nous refusons notre consentement à Dieu, nous nous rendons coupables d'une extrême ingratitude envers sa divine majesté. Et il semble qu'il y ait plus de mépris que si tout d'un coup nous avions rejeté l'inspiration. Ce fut la faute et le malheur de l'épouse des cantiques. La voix de son bien-aimé avait frappé son cœur d'une douce joie. Néanmoins, elle ne lui ouvrit pas la porte, et elle s'en excusa d'une manière frivole. Aussi l'époux s'en alla-t-il, en la quittant avec indignation. Il faut donc, filoter, vous résoudre à recevoir désormais toutes les inspirations du ciel, comme vous recevriez des anges que Dieu vous envoierait, pour traiter avec vous d'une grande affaire. Ainsi, écoutez avec tranquillité ce que l'inspiration vous propose. Faites attention à l'amour de celui qui vous la donne, et la recevez avec joie. Enfin, donnez-y votre consentement d'une manière tendre et amoureuse. Dieu, qui ne peut nous avoir aucune obligation, ne laissera pas d'agréer cette fidèle correspondance. Mais si l'inspiration porte quelque chose de fort considérable et extraordinaire, suspendez votre consentement jusqu'à ce que vous ayez consulté votre directeur, qui la doit examiner pour en reconnaître la vérité ou la fausseté, ce qui est d'autant plus nécessaire que l'ennemi, voyant une âme facile à suivre l'inspiration, lui en propose souvent des fausses pour la tromper, tandis qu'elle obéit à son directeur avec humilité. Quand on a une fois donné son consentement à l'inspiration, il faut exécuter soigneusement ce qu'elle a demandé de nous, et c'est ce qui accomplit l'œuvre de la grâce. Car autrement retenir ce consentement dans le cœur, sans en venir à l'effet, ce serait faire comme un homme qui, ayant planté une vigne, ne voudrait pas la cultiver, de peur qu'elle ne portât du fruit. Remarquez donc combien la pratique de l'exercice du matin et des retraites spirituelles du cœur, dont je vous ai parlé, est utile pour tout ceci, d'autant que nous nous disposons à faire le bien par une préparation non seulement générale, mais encore particulière. Fin du chapitre 18, deuxième partie.